les invariables, invités sans surprise, décorum impeccable, culture qui agonise, émission politique et vendeur d'illusions, de promesses utopiques aux futures trahisons. Toi, j'ai fait mal.